Non, mais c'est la phase A qui est finie alors. Donc on passe à la phase B, c'est ça? J'espère que ça sera mieux. Ah oui.